son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie R. Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie R. Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. BR Metal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Metal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Metal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Grosse journée pour la joueuse de tennis Alexandra Wozniak. Alexandra Wozniak qui a annoncé sa retraite de la compétition. On lui parle. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, ça ne doit pas être facile pour une joueuse ou un athlète professionnel de dire que c'est terminé. Non, c'est pas facile. Et aujourd'hui, c'est le jour qui est arrivé que je dois dire au revoir à mon sport. Malheureusement, avec toutes les blessures sérieuses que j'ai eues au courant de ma carrière, mon corps maintenant ne me permet plus de pouvoir performer à 100% au haut niveau. Donc le jour est arrivé pour moi d'accrocher ma raquette et de dire au revoir à mon sport, ma passion qui a été depuis que je suis toute petite fille. OK. Est-ce que ça a été mûrement réfléchi? Est-ce que ça a été long? Est-ce que c'est avant de dire c'est terminé ou bien c'est une réflexion que tu dures depuis longtemps? Ça fait pas longtemps que tu as entamé cette réflexion-là? C'était pas facile, c'est sûr, d'y réfléchir, mais je dois écouter à ma santé. Puis c'était en fin d'automne vraiment que j'ai comme pensé à prendre cette décision-là. Donc ça me, tu sais, j'ai passé du temps avec ma famille en Pologne, surtout ma grand-mère de 94 ans là. Donc ouais. C'est vraiment comme à fin l'automne que j'y ai vraiment réfléchi, puis qu'aujourd'hui c'est ça, j'ai pris la décision de dire au revoir. OK. On peut dire que tu as vraiment tout essayé, hein, parce que moi je me rappelle, lorsque tu es revenu de ta blessure, je pense que tu étais dans les 800-900e au monde, tu es venu à Saguenay, même faire un tournoi ici même à Saguenay, quelque part, faut vraiment vouloir, là. Tu peux pas dire que tu n'as pas tout essayé, là. C'est une joueuse qui a été 25e au monde, qui a fait les grands tournois, par la suite revient au bas de l'échelle, tu peux pas dire que tu n'as pas essayé, là. Non, ça prend beaucoup de volonté, ouais. De persévérance, puis j'ai tellement passionnée de mon sport. Donc pendant plus de 10 ans, j'ai joué au niveau professionnel, je joue au tennis depuis l'âge de 3 ans. Donc tu sais, je suis devenue la première Québécoise parmi les 50 meilleures raquettes au monde, dont mon meilleur classement 21e au monde. Je retiens tellement des beaux souvenirs, et quand tu aimes quelque chose, tu vas tout faire pour réussir. Donc beaucoup d'années que j'ai recommencé à zéro, puis j'ai recravé les échelons, puis j'ai eu quelques années dans les 50 meilleures raquettes au monde, puis j'ai gagné un titre comme à Stanford, 8 matchs en 9 jours, j'ai gagné contre... Oui, effectivement. Donc, c'est quand même En 2012, j'ai vécu beaucoup de moments inoubliables. Oui, effectivement. Ton meilleur souvenir, c'est Stanford? J'en ai plusieurs, tu sais, j'ai Stanford. Ça commence plus tôt dans ma carrière, quand ma sœur m'a inspiré à jouer au tennis. Elle était championne canadienne, donc je voulais être comme elle. Fait que je suis devenue championne canadienne après. Troisième au monde dans les juniors, après ma carrière professionnelle a commencé. C'est vraiment tous les souvenirs. Oui, Stanford, être première classée dans les top 50, avoir été aux Jeux Olympiques, la première Québécoise en simple. Tu sais, j'ai vécu plusieurs moments et puis des accomplissements que je vais toujours m'en rappeler. OK, Alexandra, si on parlait un peu maintenant de ta, de ton après-carrière, tu veux faire quoi maintenant ou après ton après-carrière? Ouais, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants, donc j'ai eu une tournée de tennis. Ouais. Tu vas être associé. Écoute, on t'a perdu, Alexandra. On t'a perdu pendant quelques secondes. Oui, tu disais que tu étais avec les enfants. C'est ça que tu voulais faire? Oui, j'adore travailler avec les enfants. Donc, j'ai commencé une tournée de tennis scolaire avec Tennis Québec en janvier 2019, visiter 50 écoles pour encourager les jeunes à un de vie sain et actif, une saine alimentation, puis une santé mentale. Une santé mentale est intéressante. Mentale, ouais, effectivement. Oui. Fait que c'est beaucoup de m'impliquer auprès des jeunes, puis j'ai d'autres projets aussi qui s'en viennent. Donc, ça va être une bonne année, un nouveau bon chapitre pour moi. Quand tu as commencé ta carrière, tu n'avais pas les installations qu'aujourd'hui que tu as aujourd'hui. Les joueuses de tennis n'avaient pas, écoute, les Françoise Amanda, les Fernandez, la jeune, Bianca Andreescu également. Est-ce que ça te déçoit un peu quand tu regardes ça? Est-ce que tu trouves chanceuse puis c'est tout? Je pense que le tennis a beaucoup évolué, ouais. Ça a beaucoup changé dans les années, puis je suis vraiment juste heureuse pour tous ces jeunes-là qui ont plus de sport que nous dans le temps, puis que ça peut permettre seulement de les aider à accomplir leurs rêves. Fait que non, c'est quelque chose que tu sais que c'est hors de notre contrôle. C'est qu'on sait comment que c'était avant le tennis, mais c'est sûr que ça a pris beaucoup plus de popularité maintenant que dans le temps avant. Effectivement. Ben Alexandra, félicitations ta carrière. 21e, c'est pas rien non plus. Tu l'as eu? T'étais combien de temps? Ben, une bonne année dans le top 25? Oui, puis ensuite, j'étais quelques années de reprise dans les 50 meilleurs au monde. Ouais. J'avais même dû recommencer à remonter le classement parce que quand tu te blesses puis tu ne joues pas, tu perds tes points, donc tu retombes à zéro. Donc, j'ai vraiment remonté les échelons à quelques reprises, c'est sûr. OK. Ben, bravo et félicitations, Alexandra, pour le plaisir de se reparler. Ben, merci beaucoup. Merci, joyeuse fête. Joyeuse fête à toi aussi. Alexandra Vognac qui a annoncé sa retraite aujourd'hui.